Salut Charlie. Moi j'ai une de ces patates. Ah bah les jours de manif, t'as tout le temps la patate. Ouais. D'ailleurs, le colis est arrivé. Oh, un cadeau, c'est génial. C'est mon colis, c'est mon colis. Silence, oui. On est dans un bureau, il y en a qui bossent. C'est Marie-Gilles, hein, l'invité. Ah bah oui, bah cherche pas, il prépare que quand l'invité est joli. Ouais, voilà. Surtout ne le dérangez pas parce que pour une fois qu'il bosse. Bon allez, mon colis. Alors c'est quoi, Tada. C'est un mégaphone. Oh génial, c'est mon rêve. Attends, je te le prends. Ah non, c'est à moi. Allez. Génial. Arrêtez de faire du boucan, c'est insupportable, ok? Non mais c'est vrai, il a raison. Tiens, allez, donne-moi ça. Non, donne-moi ça. Moi, non, si c'est pour passer des commandes de café, c'est pas la peine. Mais ça y est, juste c'est un test. Mais non, il y a pas de test. Un porte-voix, c'est fait pour la révolution. Voilà, écoute ça. Vals, tu dois nous calculer. Ouais. Sinon, nous, on va t'enfermer. Non, mais arrêtez, on va faire une mauvaise émission parce que vous n'aurez rien préparé. Oh, il est amoureux. Ouais, mais regardez, donne-moi ce truc-là. Rends-le-moi. C'est confisqué, votre truc. C'est le mien. Ah, c'est confisqué. Oh là là. Au boulot, je vous donne 20 minutes pour lire la presse et puis c'est conférence de rédaction. C'était le mien. Vous savez quoi? On devrait inviter plus souvent des filles canons. Bah, silence. D'accord. Comment ça marche, truc-là? Faut pousser sur le bouton, là. Silence. D'accord. Un, deux. Marie, je t'aime. Ah oui, ça marche. Bonjour la France Inter. Bonjour à tous. Vous écoutez l'émission où l'actualité est foutue, les infos sont dans la rue. Et ainsi, trois sujets que nous allons revendiquer jusqu'à 18h si on ne libérera pas l'invité. Voilà, alors d'abord les jeunes descendent à nouveau dans la rue aujourd'hui contre la loi travail. Voilà, les gouvernements s'inquiètent toujours un peu plus quand ce sont les jeunes qui manifestent en France. Ça peut démarrer très tôt avec des motifs de revendication très divers. Vive l'Algérie française! Vive le maréchal! Nous ne sommes plus très loin de pouvoir regarder un film depuis chez soi le jour même de sa sortie. Le cofondateur de Napster étudie ce projet qui viderait encore un peu plus les salles de ciné. Après, il y a quelques films qui sont aussi faits plutôt pour regarder chez soi. Hein. Tu crois que Cadmerade, quand il regarde ses films de vacances, il se dit « Putain, encore un film avec Cadmerade !» Et nous sommes toujours dans la 21e semaine de la langue française où Paris impose toujours sa norme à la planète. On peut même dire que c'est surtout Saint-Germain-des-Prés qui impose sa norme. Le doutage, c'est simple. C'est le doute et le chantage. Et c'est donc le doutage. Enfin, c'est un mot qui est inventé. C'est une barbarité, bien sûr. Et pour m'accompagner, j'ai à mes côtés celui qui vit douloureusement la norme à Saint-Germain-des-Prés. 14 mètres carrés, 6e étage sans ascenseur, Alex Vizorek. Mais oui, je prépare la révolution du floor, Charline, comme je le dis régulièrement. Et autour de cette table, une belle équipe de révolutionnaires, 17h20. Notre seul et unique spécialiste musical dans cette émission. D'ailleurs, pourquoi on en prendrait un autre quand on a la pointure en matière de chronique limpide? Bonjour André Manoukian. Bonjour Alex, bonjour Charline. De quoi on parle? On va parler d'une fille canon, elle est black, elle est beautiful, elle a 77 piges au compteur et elle est formidable, elle s'appelle Mavis Staples. 77 piges, ouais, elle est belle. Bien changé. Ouais. 17h30, il n'y a pas un seul sujet sur lequel il soit extrêmement compétent et c'est sans doute pour ça qu'il est aussi brillant quand il s'agit d'interroger des spécialistes autoproclamés dans leur domaine. Bonjour Guillaume Meurice. Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour à tous. Alors moi j'ai contacté aujourd'hui Henri de Lesquin. Il vient de se porter candidat à la présidence de la République, figurez-vous, et on va faire connaissance avec lui. Si Donald Trump était français, je n'aurais pas cette idée de me présenter moi-même. Je soutiendrai Donald Trump et je voterai pour lui. On l'aime déjà, mais on va les trouver. Enfin, 17h40, notre seul et unique spécialiste musical dans cette émission. D'ailleurs, pourquoi on en prendrait une autre alors qu'on a la pointure en matière d'archéologie sonore? Bonjour Mélanie Bauer. Et aujourd'hui, je vais être black aussi, comme Dédé. Très bien. Et black et proud. Eh ben écoutez, j'ai rien compris, mais ça va être super. Let's get one on France Inter, tout de suite. Le référent de la République qui a accepté de présider cette émission est né sous Baudouin de Belgique. Oui, c'est beau. Paix à son âme. Vous êtes révélé dans Mon père, ce héros en 91, en même temps que les Red Hot Chili Peppers, révélés par ce titre Blood Sugar Sex Magic. Vous recevez l'Ours d'or pour l'appât de Bertrand Tavernier en 95, l'année où Tom Hanks reçoit l'Oscar pour Forrest Gump. 95, l'année des grandes grèves, camarades. Vous jouez dans Toutes nos envies de Philippe Lioret en 2011. C'est l'année... Oh putain, c'est l'année du mouvement Les Indignés. Et vous, vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes... Je te... Marie-Gilin. Ah, ouais. C'est la vraie. Il faut hurler ici. Charline Vaninacker, Alex Vizorek, si tu écoutes... j'annule tout. C'est parce qu'il y a son accent de Liège qui remonte. On peut saluer la mémoire des techniciens de France Inter, s'il vous plaît, qui viennent de décéder. Et moi, j'étais bien sur le coup. Marie Gillin qui est avec nous, qui aborde la générale de la pièce. Qui oui. débute à partir de demain, mon Dieu. Constellation de Nick Payne, c'est au théâtre du Petit Saint-Martin. Nick Payne qui est un jeune auteur londonien, jeune, il est né en 84, dites donc. C'est une pièce qui a été jouée avec beaucoup de succès à Londres et puis à Broadway. Vous commencez à jouer donc demain. Une histoire d'amour entre une physicienne et un apiculteur. Une pièce qui nous parle de l'infini. Que chaque être porte en soi. Il doit y avoir une portée philosophique, c'est ça l'idée? Oui, oui, oui. C'est une rencontre amoureuse, mais c'est vrai qu'il y a le thème de la physique quantique derrière tout ça, qui n'est pas du tout ennuyeux, mais qui est passionnant, parce qu'on part du principe qu'on ne ferait pas partie d'un univers, mais ce qu'on appelle un multivers, où finalement, chaque décision qu'on prend va orienter nos futurs, et donc c'est ce petit fond. Ça doit être hyper stressant d'attaquer une pièce qu'on a eu le Molière pour la précédente. Moi, je serais pas à l'aise si j'étais... Salaud. C'est ce que je me dis tous les jours, salaud. Après, il va vous proposer un câlin, normalement. C'est une technique. Vous pouvez l'assassiner à coup de mégaphone, si vous voulez, Marie-Gilet, je vous le prête. D'ailleurs, ce que vous venez de dire se révèle aussi dans l'écriture du texte, si j'ai bien compris. Le système de scène se répète et induit des variations qui fait que chaque variation fait changer la situation. C'est un peu ça dans l'écriture, il y a ce... Oui, il y a donc plusieurs grandes séquences de la rencontre de ce couple. Donc il y a la rencontre, la jalousie, le mariage, les retrouvailles, la maladie, enfin voilà, plusieurs éléments importants. Et à chaque fois, c'est comme si on était dans une séquence cinématographique où on rejoue la même prise, mais avec une réplique qui change. Quelquefois, ça change du tout au tout. C'est génial, c'est comme un solo de jazz en fait. Mmh. C'est-à-dire qu'on cherche un petit peu, donc on a trois notes, et puis après ces trois notes-là, elles vont commencer un petit peu à évoluer, et puis on les reprend, et puis, et puis on n'arrête pas de chercher. C'est un peu comme moi quand je parle, si vous voulez, c'est-à-dire que je ne sais pas du tout où je vais, mais par contre, il y a des petites variations. Ça reste suspendu, donc du coup, on est intéressé. Et ben voilà. Oui, mais on comprend quelque chose à la pièce quand même. Oui, oui, on sait pas comme André, je veux dire. Rassurons les spectateurs. J'invite André à venir. Non, on comprend bien sûr, mais c'est le langage de la pièce, c'est mystérieux et à la fois c'est profondément humain, parce que ce qui compte dans cette histoire, c'est cet homme, cette femme, leur rencontre et à quel point ils sont pleins de vie face à l'infiniment de possibilités devant eux. Mais... Je vais reposer ma question autrement par rapport à tout à l'heure. Quand on a une Molière, on reçoit beaucoup de scénarios et donc vous avez eu la chance de pouvoir choisir la pièce qui suivait. Ça a dû être un luxe. Et giflez-le à un moment donné. Non, c'était justement pour prendre lui, retravaille ses questions, mais à l'antenne. C'est une méthode particulière. Franchement, je pensais pas du tout que j'allais faire du théâtre tout de suite, parce que la Vénus à la fourrure, ça a quand même pris un an et demi... dans ma petite vie, donc c'était long, et je me suis dit, ah non, je vais faire des films, et puis après, je retrouverai le théâtre. Et j'ai reçu cette pièce, cette proposition de Marc Paquin, le metteur en scène, il n'y a pas si longtemps que ça. Et je me suis dit, ok, oui, on y va, on replonge. Donc c'est, et puis c'est pas rien, c'est encore une pièce vibrante et très très profonde et très puissante. Donc c'est une belle intensité là. Est-ce qu'il y a une forme d'adaptation? Est-ce qu'elle a été jouée, je l'ai dit, à Broadway, à Londres? Est-ce que ça nécessite, pour la jouer en France et en français, une fameuse adaptation ou pas? Oui, complètement, parce que... Déjà à traduire. Déjà. Bah oui. Sinon... Vous aurez que vous sortez immédiatement. C'est vrai, déjà la traduction, c'est quelque chose. Non, mais dans la musique de la langue, c'est vrai que la langue anglaise a cette musique où finalement, même si, comme le texte est assez quotidien, il y a... Tout se passe derrière le texte. Évidemment que si on lit que le texte, c'est d'un ennui terrible. Et donc, c'est pour ça qu'il faut que tout ce qu'on vit soit totalement plein. Et la langue anglaise facilite, à mon avis, ça. Parce que déjà, il y a quelque chose de musical dans la langue, quelque chose de ludique qu'on a moins dans la langue française. Mm-hmm. Donc, je pense qu'on doit faire un travail encore plus important pour incarner de façon totalement pleine et être hyper vivant et mettre plein de couleurs pour que ça soit un feu d'artifice d'humanité et non pas que des mots... Un peu comme dans les Beatles, André Manoukian. C'est ça. Voilà. Mais un petit peu comme dans les Beatles, c'est un petit peu en même temps comme... Non. Mais si, allez-y. Non, je veux dire, ce qui est fabuleux, c'est d'avoir une perception presque physique de ce qu'est la physique quantique, parce que c'est compliqué. On parle souvent du chat de Schrödinger qui est à la fois vivant et à la fois mort. On parle d'être dans deux états différents. Or là, avec avec votre pièce, on va peut-être avoir une perception, je dirais presque matérielle, de ce que c'est qu'au fond un phénomène quantique, cette boucle qui se répète avec toutes ses possibilités. Oui, puis l'idée que finalement il n'y a pas de passé, de présent et de futur, mais c'est comme si tout ça c'était une espèce de grand cake et que on avait des réalités qui étaient des tranches de cake. Enfin, c'est très belge que vous la tranche de cake vous-même déjà, Marie. Hein. Allez voir la tranche de cake de Marie-Gilin, ça commence après-demain. Ça s'appelle hyper glam. Immense succès en tout cas à Londres et à Broadway. On vous souhaite le même succès au théâtre du Petit Saint-Martin à partir de demain. Ça s'appelle Constellation de Nick Payne avec votre partenaire Christophe Paou. Et puis tiens, je signale aussi, vous viendrez en parler chez Nagui la semaine prochaine, un film qui s'appelle Mirage d'amour avec fanfare du réalisateur belge Hubert Toin avec Jean-François Stévenin. Il sortira en salle le 23 mars. J'ai pu le voir, j'ai beaucoup aimé, je vous le recommande. Mais vous en direz un petit peu plus chez notre ami Nagui qu'on salue. We're going to dance and have some fun. Dig. The chills that you spill up my back keep me filled with satisfaction when we're done. Satisfaction of what's to come. I couldn't ask for another. Your groove I do deeply dig. No walls, only the bridge. My supper dish, my succotash wish. Sing it, baby. Salut les techniciens de France Inter qui viennent de décéder une deuxième fois. Parce que ces jours de manifestation, les jeunes sont dans la rue, nous sommes solidaires. Voilà, hop, c'est dit. Alors, vous êtes sur France Inter en compagnie de Marie Gillin. Restez avec nous, n'ayez pas peur. Marie Gillin, qu'on pourra voir. Soit la séquestrée, donc. Ouais. J'ai pas peur, je suis scotchée. On pourra voir à partir de demain, si on lui a pas pété un tympan, dans Constellation de Nick Payne, mise en scène Marc Paquien avec Christophe Paou. Ce sera au théâtre du Petit Saint-Martin. Et autour de la table, Alex. Eh bien, par ordre d'apparition, André Manoukian, Guillaume Meurice et Mélanie Bauer. Absolument. L'information, c'est maintenant. La plus pure. Le changement et l'information. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et on commence par les titres. Oui, une étude sur le bonheur place la France 32e pays le plus heureux. La Suisse est en 2e place. Jérôme Cahuzac avait donc tout compris. Après ses nombreux passages en prison, l'acteur Samy Nasseri se lance dans le rap avec un morceau intitulé « Seconde chance ». Un coup dur pour tous les partisans de la politique de réinsertion. Et des brèves, et même une brève qui vient de Belgique. On commence par la droite. Nicolas Sarkozy considère que l'intelligence d'Alain Juppé est synonyme d'échec politique. Et oui, il est bien placé pour savoir que c'est pas la qualité nécessaire pour gagner. On reste à droite avec Claude Goasguen, le maire du 16e arrondissement de Paris, qui répondait au talk du Figaro. Oui, on lui a parlé des débordements dans son arrondissement et on sent que ça lui pose un vrai problème éthique qu'on ait insulté Anne Hidalgo. Alors, je voudrais qu'on revienne sur la réunion qui a eu lieu à l'Université de Paris-Dauphine mardi soir. Ouais. C'est une réunion qui a dégénéré complètement, avec Hidalgo au bois, salope, Sophie, Broca, Caca. Tu devrais pas rire, Claude, mais tu arrives quand même. Et c'est pas grave, c'est pour ça qu'on t'aime. Économie à présent. Ah bon, on aime Goasguen? Ouais, oui, beau, oui, on adore. Bah oui, bah, c'est, et mon boulot, il me le simplifie en général. Le journal de Michel Drucker se poursuit sur France Inter. Selon le journaliste économique François Langlais, notre continent n'est pas armé pour les intempéries actuelles. Oui, et selon Evelyne Delia, notre continent n'est pas armé pour l'indexation des salaires sur la base du prix du baril de pétrole brut. Passons à cette étude internationale sur le bonheur. Étude de l'ONU, en tête des pays les plus heureux, le Danemark. Et la Belgique est à la 18e place. La France, elle occupe la 32e place des pays les plus heureux du monde. Oui, réaction des Français. Franchement, il est nul ce classement, on est vachement heureux ici, putain. Le 157e et dernier pays, c'est le Burundi. Voilà, la Syrie n'est même pas dernière. Bien joué les gars, bien joué. Seulement après la France, c'est l'Arabie Saoudite. Oui, l'Arabie Saoudite, 34e. Et on rappelle qu'en Arabie Saoudite, les femmes sont interdites de répondre à les sondages. Et la Jamaïque est étonnamment à la 73e place. Alors ça, rappelons que les sondages sont faits le matin. Hein, et comme les Jamaïcains fument le bonheur, hein, reposons-leur la question vers 22h. Les gars sont sur le podium direct. Bretagne. Oui, oui, oui. Faute de trouver un médecin, la commune de La Roche-de-Rhin en Bretagne a finalement embauché un druide guérisseur. Ça pose des problèmes. Oui. Un gros monsieur malade se serait vu refuser la potion sous prétexte qu'il était tombé dedans quand il était petit. C'est une chose qui arrive. Culture à présent. Samy Nasseri se lance dans le rap. Et c'est beau. C'est beau. Et les amateurs de rimes en housse vont se régaler. J'ai fait des conneries. On en fait tous. Parfois ça éclabousse, ça mousse et certains floussent, d'autres ont la frousse. Un jour ou l'autre, la roue tourne. C'est vraiment lui. C'est vraiment lui. On vous a vraiment entendu poser la question, Marie Gillin, parce que les micros sont ouverts. Hein, vous ne tournerez plus avec sa vie, mais comme il ne tourne plus des masses, c'est pas un vrai problème. Selon nos informations, Francis Lalanne se serait constitué partie civile, aurait porté plainte pour plagiat. Il manquait juste pousse-mousse, tu poussais sa mousse et c'était compliqué. Disons qu'il y a une vraie cohérence dans sa carrière. Rappelez-vous, avant, il faisait vomir les gens avec son taxi. Voilà, maintenant, il fait pareil avec ses chansons. C'est méchant. C'est le jingle pub, hein, attention, parce que oui, Radio France va repasser la publicité commerciale. Oui. Et la décision a été prise de toutes les faire jouer par la Spalès et Chevalier, comme pour la Matmut, on est sur France Inter. Elle assure, la Matmut. Oui, allez, la pub du jour. C'est quoi cette lessive? C'est Ariel, pourquoi? Si je vous donne 2 barils d'une autre lessive contre votre Ariel. Ah non, Ariel, c'est très bien. Bon, bah merci. De rien. Voilà, nous rappelons que les auteurs sont les mêmes que pour les pubs Matmut. Hein. Voilà, elle assure la Matmut. Allez, la brève de Belgique, la brève de Belgique. La brève de Belgique, Limbourg, il rend la voiture qu'il vient de voler car sa mère était fâchée. Si seulement Patrick Balkany avait eu la même maman. Vous êtes sur France Inter en compagnie de Marie Gillin. Restez avec nous surtout, jusqu'à 18h, ne partez pas. On va aborder le premier sujet avec vous Marie. 200 lycées et plusieurs campus universitaires sont bloqués. Une partie de la jeunesse ne lâche rien de la contestation contre la loi de travail. Voilà. Leurs grands-parents ont fait mai 68, donc ils ont essayé un petit peu de les raisonner. Changer le monde, vous êtes bien sympathique, mais on va déjà vous lever le matin. Je sais pas si vous êtes au courant, mais le monde, il vous attend pas. Le monde, il bouge. Et il bouge vite. Il n'est pas tardé à rester sur le carreau, je vous le dis. Parce que de là, vous êtes en vacances, très bien. Mais à la rentrée... On n'est pas en vacances. Bon, ok, admettons. Vous avez pris une année sabbatique, très bien. Mais l'année prochaine... Vous avez pensé à ça l'année prochaine? C'est pas le monde qui va se plier à vos désirs, les enfants. C'est pas 68 années de la jeunesse. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est le vrai monde dehors. Et le vrai monde, il va chez le coiffeur. Déjà. Alors, y a la guitare, les troubadours, tout ça, c'est fini. C'est Jean Dujardin dans OSS 117. Donc les lycéens et les étudiants sont dans la rue aujourd'hui avec des slogans comme « Ils nous empêchent de rêver, on va les empêcher de dormir », avec des slogans comme « On va travailler plus pour gagner moins ». Marie Gillin, à leur âge, vous étiez déjà actrice, vous connaissiez déjà le succès. Est-ce que vous vous sentez pour autant déconnectée de ces inquiétudes et de la contestation? Ou vous les observez quand même, et puis vous êtes maman, donc vous avez aussi des inquiétudes pour la jeunesse. Oui, bien sûr. Bah, oui, moi j'ai commencé, j'étais très vite propulsée dans un monde d'adultes, et voilà, ça a été plutôt... je suis rentrée un peu par la grande porte, donc le monde du travail, je l'ai perçu d'une façon un peu différente. Mais bien sûr qu'aujourd'hui, oui, étant, en tant que qu'individu, en tant que citoyenne de France, même si je suis belge, et maman, bien sûr que ça me préoccupe. Complètement. Et dans votre secteur, est-ce que vous percevez un petit peu la précarisation du travail, par exemple dans les métiers qui vous entourent, les maquilleurs et maquilleuses, les techniciens, etc. Vous passez beaucoup de temps avec eux, donc est-ce qu'ils parlent de ces choses-là? Est-ce que c'est un sujet de conversation quand on fait des tournages ou des pièces de théâtre? On dit que vous parlez très peu aux maquilleuses. Hein, que vous... Ça revient oui, régulièrement. Je ne peux pas vous répondre parce que je n'ai aucun contact avec elles. j'ai l'impression que c'est un peu le système, en tout cas, même de production des films, qui est de plus en plus précaire, où on est toujours en train de se dire qu'on a quand même de la chance de faire ce métier, parce que c'est quand même des métiers un peu à part, des métiers ludiques, mais où, oui, il y a bien sûr une forme de précarité, c'est évident. Mais même vous, en tant que comédienne, c'est-à-dire qu'il y a eu une angoisse, un moment, qu'il y a un trou, qu'on ne vous veuille plus. Je sens venir la grosse blague. Non, pas du tout, pas du tout. Alors, de temps en temps, alors c'est difficile à repérer, je pose une question. Mais, on vous fera signe quand c'est le cas. En l'occurrence, c'était celle-ci, je vais lever. Parce qu'il fait la même tête, cas-là. On peut pas se faire. Attention, c'est la question sérieuse. Attention. Non, mais pour dire que oui, il y a des passages à vide dans les carrières de comédien. Et donc, on attend que le téléphone sonne. Ah, ben bien sûr, oui. Ah, bah, ce métier, c'est ça. C'est un peu les montagnes russes. Il faut avoir le cœur bien accroché. À la fois. Moi, je fais partie de ces gens qui ont quand même la chance de vivre de leur métier et de faire des choix. Et donc, je me sens pas. Voilà, faire des choix est un luxe. Oui, bien sûr, mais c'est vrai qu'il faut avoir le cœur bien accroché parce qu'on n'est pas toujours celui qu'on choisit. Je me rappelle dans l'appât la réplique de mon personnage qui disait je suis jamais celle qui cherche. Bah, c'est un petit peu ça, c'est une question de timing et puis c'est pas qu'une question de talent, c'est une question de moment et encore plus le cinéma parce que le théâtre c'est pas qu'une question de photogénie mais le cinéma voilà, il faut être là quand on vous attend. Ça c'est quantique hein, ce que vous venez de dire. Ouh là là. C'est un peu comme un cake en fait. Déjà dans son personnage de physicienne dans Constellation. C'est la première fois que je vois une comédienne quantique, donc c'est pour ça que je suis en admiration. Puisque vous faites le malin, André Manoukian, oui. Montrez-nous alors, ce que vous allez faire. Bah, moi, je vais vous parler du quantique des quantiques. Elle s'appelle Mavis Staples. Elle est chanteuse de gospel. Elle est née à Chicago en 1939. Elle a 77 ans au compteur. Eh ben, elle en a marre de chialer. Elle veut désormais de la joie, du bonheur et des positive vibrations. Elle déclare « J'ai chanté plus que mon lot des Freedom Songs, les chansons de libération du peuple noir. Je veux maintenant des chansons de joie, je veux des paroles qui remontent les gens. Ras-le-bol de les faire pleurer, j'ai toujours raconté ce moment où nous étions au plus bas et je veux que mon peuple remonte à la surface désormais. » Bon, c'est pas gagné. Rien que l'histoire de l'évangélisation du peuple noir est édifiante. Le début de l'esclavage est l'œuvre des Espagnols, des Portugais, des Français. En 1492, Christophe Colomb découvre l'Amérique. Mais, à peu près au même moment, les Turcs prennent Constantinople, barrant les routes de l'Orient et de ses richesses aux Occidentaux. Alors ceux-ci se retournent vers le sud, vers l'Afrique. Par ailleurs, les Espagnols ayant décimé les Indiens en Amérique du Sud, les Africains sont parfaits pour exploiter l'or blanc, la canne à sucre. On les évangélise et aussitôt on se pose la question comment fait-on pour maintenir des chrétiens en esclavage? Alors d'abord, on trouve rien dans la Bible qui interdise formellement l'esclavage. Au contraire, on va même trouver une justification légèrement tordue dans la légende de Cham, ce fils de Noé est répudié nu et chassé en Éthiopie, donc père de la nation africaine. Bien fait pour eux, ils n'avaient qu'à regarder le grand-père à poil. Le premier à statuer sur les Noirs, c'est qui ? Colbert. En 1685, il établit le Code Noir. L'esclave peut se marier, fonder une famille et devient un bien meuble attaché à un propriétaire. Qui a aboli définitivement les premiers l'esclavage ? Qui la CGT. Non. Qui les Anglais en 1807, alors que l'abolition de la Révolution française en 1789 est rétablie pratiquement au même moment par Napoléon. Les Anglais vont substituer à l'esclavage la loi des 3 C: commerce, civilisation, christianisme. On christianise les gens pour s'approprier leurs terres et on les fait travailler sur place plutôt que de les importer. Ah, le pragmatisme anglo-saxon. Les Afro-Américains devront attendre la guerre de sécession en 1868 pour passer du statut d'esclave à celui de sous-prolétaire. Il a changé Jean Lebrun quand même. Nous voilà. Il a avalé Stéphane Bern, je sais pas ce qui s'est passé. Avec une population noire, libre et chrétienne, mais pas question pour autant qu'on lui ouvre les portes de l'église le dimanche matin. Alors les Afro-Américains se réunissent dans des champs. On appelle ça les camp meetings. Et c'est autour du chant qu'ils vont construire leur liturgie, inspirée des cantiques protestants et de l'Ancien Testament. Le peuple hébreu, subissant le joug des Égyptiens et trouvant un libérateur en la personne de Moïse, ça leur parle. Et réciproquement, les Juifs rescapés des pogroms d'Europe centrale qui vont se réfugier aux États-Unis reconnaissent les souffrances du peuple noir qu'ils ont connu dans leur ghetto, à tel point qu'ils vont financer les premières universités black et les premiers labels de musique afro comme Chess Record, par exemple, le mythique label du Chicago Blues. Mais revenons au gospel. Dans les années 60, il prend deux directions. Le cul avec Ray Charles et les droits civiques avec Mavis Staples. Ray Charles est le premier à mettre des paroles de cul sur du gospel. Sa frangine est horrifiée. Parce qu'il n'a pas vu les droits civiques. Elle dit c'est horrifié. Mavis Staples est la première à chanter du gospel avec des paroles politiques. Quand Obama fut élu, elle a pleuré de joie devant sa télé, s'adressant à Martin Luther King, qu'elle seconda et avec lequel elle a établi un dialogue permanent depuis sa mort. Aujourd'hui, elle revient avec une armée de jeunes compositeurs issus de la pop, de la soul, du folk. Nick Cave, Benjamin Booker, Aloe Black, Justin Vernon, Son Little Ben Harper, Valérie June. Elle a envie de chanter la joie. Et pour finir sur une note joyeuse, j'ai trouvé hier un posté par une certaine Christiane Taubira. L'invincibilité est démontrée et illustrée par notre présence à vous, à moi, par le jazz, le blues, le candomblé, la santeria, les créoles. Allez tata Christiane, on écoute Sister Mavis Staples qui chante High Notes. There are all of those things you weren't supposed to do. Yes, and my, they were talking to you. There were all of those words that you shouldn't have said, like a dagger thrown, carry weight of lead. Living on a high note, living on a high note, living on a high note. Now that it's known and the way it's been shown, yes, and my, you have grown. Gather all of the rain and every ounce of pain, wash the dirt and dust down the drain. It's living on a high note, living on a high. No, living on a high, oh, high note. It's living on a high note, living on a high note, living on a high note. And if you gotta sing low, sometimes the way to go. Joe, he looked over at Dave. Looked over at Dave. He was thinking he had. He was thinking. He was thinking. Ooh. He had it made. Dave looked over at Paul. Looked on over at Paul. He was thinking he had. He was thinking. Oh, he had it all. Paul steadily moving toward what he believed. He was living on a high note. Mavis Staples, High Note, la proposition d'André Manoukian. Il y a un super documentaire sur elle bientôt qui va paraître sur HBO, mais qu'on trouvera sur le net et franchement, ça vaut le coup. Surtout par les temps qui courent. C'est la fin de la chronique d'André Manoukian, donc réveillez-vous. Vous êtes sur France Inter. Ça, c'est petit, ça, c'est un coup bas. Il est 17h37 à Paris et à Liège. Nous sommes en compagnie de Marie Gillin, le train entre en gare. Marie Gillin, qu'on peut retrouver au théâtre dès demain, où ce sera la première. Au théâtre du Petit Saint-Martin dans Constellation de Marc. Non, pas du tout. Mise en scène Marc Lapierre, de Nick Payne. Nick Payne, jeune auteur londonien. À cette heure-ci, Marie Gillin, c'est l'heure du moment Meurice. Il paraît. Oui. Eh bien, moi, je vais vous parler des élections présidentielles aujourd'hui. Alors, malheureusement, il n'y a plus de suspense, hein, puisque Nicolas Dupont-Aignan se présente. On voit pas bien comment la victoire pourrait lui échapper. Hein, selon la fameuse logique des Shadocks, hein, si tu as une chance sur 1000 de réussir, dépêche-toi de rater les 999 premières. Et là, Nicolas, il a un petit niveau là-dessus, donc la victoire lui est promise. Mais on va faire semblant de croire qu'il y a un enjeu et s'intéresser aux autres candidats déclarés. C'est le cas de mon champion du jour qui vient de lancer sa campagne. Il s'appelle Henri de Lesquin. Alors, Henri de Lesquin, il a été conseiller municipal. Où ça? À Versailles. Alors, on n'est pas plus étonné que ça, finalement. Il se définit comme un national libéral. Et au niveau libéral, on pourrait dire qu'il est quand même pas mal décomplexé. Il veut carrément supprimer le salaire minimum. Alors pourquoi ? C'est une mesure antisociale en réalité. Le salaire minimum est une mesure antisociale. Ça réduit le chômage. Pourquoi ? C'est une des raisons principales du chômage que nous subissons. Ah bon ? Ben bien sûr. Mais vous craignez pas que les patrons, du coup, en profitent pour moins payer leurs employés ? Ils en profiteront peut-être pour moins payer leurs employés, mais ils donneront des emplois à leurs employés. Ah, je vous ai pas menti. Il est décomplexé, hein, Henri. Hein, voilà, Emmanuel Macron, il prend une petite leçon là-dessus. À côté, Macron, c'est Trotsky. Mais c'est audacieux comme proposition, hein, pour inverser la courbe du chômage, rétablir l'esclavage. Hein, finalement, tout simplement, bah, c'est bien, pourquoi pas. Mais Henri, attention, c'est un gars cohérent, parce que l'esclavage, ça lui pose pas tellement de soucis. Nos ancêtres étaient peut-être pas meilleurs que nous, mais pas pires. Et s'ils ont accepté l'esclavage, c'est qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Mais alors attendez, quand vous dites nos ancêtres, c'est nos ancêtres qui étaient esclavagistes. Parce que nos ancêtres qui étaient esclaves, ils étaient contre, pas forcément. Ils préféraient être esclaves que mourir de faim. Oula, alors attendez, parce qu'on vient de me signaler que Pierre Gattaz, qui nous écoute en ce moment, vient d'éjaculer à l'arrière de sa berline avec chauffeur en écoutant Henri. Je crois qu'en effet, là, il a vraiment trouvé l'homme de sa vie, le gars qui, tranquillou, en 2016, justifie, pédard, l'esclavage et qui s'appuie sur des textes. Pourquoi croyez-vous que le Christ, que Jésus-Christ n'a pas dit un mot contre l'esclavage? Pourquoi croyez-vous que Saint Paul a dit aux esclaves qu'ils devaient obéir à leur maître? Voilà. Mais alors attendez, si ça se trouve, c'est la religion qui est mal. C'est pas mon avis. Ok, riton. Donc la religion justifie l'esclavage, hein, comme disait tout à l'heure André. Ça c'est intéressant parce qu'elle justifie plein d'autres trucs, la religion. Jésus, il a dit « aimez-vous les uns les autres ». Il a pas dit « quel âge peut avoir l'enfant ?» comment l'aimer. Hein, il a dit « prends ceci et mon corps », hein, et pas précisé la partie du corps en question. Alors j'arrête là parce que c'est Barbarin là, qui vient d'éjaculer à son tour dans sa soutane. Je vais relancer l'action Sopalin avec cette chronique. Bon, continuons avec Henri et parlons patrimoine. Voilà, c'est un petit peu moins bandant. Parce que Henri, il a une proposition sympa. Il souhaite ni plus ni moins détruire la Tour Eiffel. Alors, moi, je me suis dit, bon, au moins, le gars, il a un peu d'humour. Sauf que non, c'est sérieux, en fait. Je pense que c'est une horreur et je suis partisan de détruire la Tour Eiffel, en effet. Ouais, je le confirme. Je trouve ça très laid. Voilà. Ah, juste parce que vous ne trouvez pas ça beau. Exactement. Ah oui, d'accord. Si on est, le chef de l'État a pour mission d'apporter la beauté dans les monuments qui sont édifiés dans les villes et en particulier dans la capitale. Et si François Hollande décide de raser Notre-Dame de Paris parce qu'il trouve ça moche ? Ah ben je serais contre. Oui, alors d'accord. Alors, c'est selon comment Henri trouve ça beau ou non. Alors avant de voter Henri, allez quand même voir à quoi il ressemble, hein, comment il s'habille. Si vous chopez une photo de lui en Bermuda, il y a quand même de fortes chances que s'il est élu, ça soit obligatoire pour tout le monde. Donc faites gaffe. Pareil pour les goûts musicaux. D'ailleurs, est-ce qu'il a un programme culturel ? J'ai un programme culturel effectivement en préparation qui sera radical, hein, je vous le signale. Hein, ah ben on a hâte. Pour développer l'art, un art authentique, qui soit conforme à ce que nos ancêtres ont fait jusqu'à ce que même dans le présent certains grands artistes ou bons artistes sont capables de faire. Voilà, c'est pigé Mélanie, ça ou pas? Parce qu'à mon avis, vos DJ néo-punk islandais, c'est pas ça qu'a Mariton, hein, du tout. Hein. Dédé, pareil, hein, la nouvelle star, à mon avis, c'est terminé avec Henri. D'ailleurs, c'est peut-être le seul point positif de son programme. Parce que oui, c'est vrai qu'Henri, il trouve qu'il y a une hiérarchie dans l'art, hein, n'est-ce pas? Il y a une hiérarchie dans l'art, et dans la beauté, et dans la culture. Et bon, on peut être fermé à la véritable beauté, mais bon, tant pis pour vous. Hein. Mais on peut aimer les deux, non? On peut aimer le rap et Mozart, non? Vous pensez pas? Je ne pense pas, non, je pense pas sérieusement, non. Faut choisir, alors? Bah écoutez, écoutez, l'éclectisme, je crois, dans l'art, me paraît pernicieux, et je ne crois pas que ce soit très cohérent et très sincère. Hein. Même ceux qui disent ça, ils mentent. Vraiment la grande musique, le problème de la musique nègre, c'est que c'est vrai, c'est un reptilien. Voilà. Alors, bon, ben voilà, Henri, il fait son petit coming out, hein, voilà, tout simplement. Il a même appelé à voter Front National aux dernières régionales, et puis voilà, il nous explique un petit peu la musique, hein, c'est facile selon Riton. C'est une histoire de cerveau, hein, tout simplement. Alors, si vous n'en avez pas, ne paniquez pas, hein, vous pourrez pas écouter de musique peut-être, mais vous pourrez toujours voter pour Henri de l'Escar. Merci Guillaume Meurice. On peut pas dire qu'il n'ait pas de proposition ce gars-là. Henri de l'Escar 2017, allez voir sur le site, parce que moi quand j'ai vu l'info, je pensais que c'était un fake en fait, je pensais que c'était un faux. Et en fait, non, il a une page Wikipédia, c'est quelqu'un qui existe vraiment. D'ici là qu'il ait ses signatures. Hein. Ah oui, bon. Alors, ça serait mauvais. Il y a un vrai univers. Marie-Gilles. C'est vrai. Marie-Gilles, on va aborder le deuxième sujet avec vous. Screening Room est un projet à l'étude pour permettre au public de regarder les films à la maison dès le jour de la sortie du film en salle. C'est une idée du cofondateur de Napster, vous savez, ce site de piratage de musique qui a fini par fermer. Voilà le résultat qui s'annonce dans les salles de cinéma. Bah alors Marco, qu'est-ce qui se passe? On est samedi soir, il n'y a personne dans ta boîte. Ah ouais, il n'y a personne. Mais ça, c'est le rentring, quoi. C'est quoi ça, le rentring? C'est la nouvelle tendance, quoi. C'est genre les gens kiffaient venir en boîte de nuit, maintenant, leur kiff, c'est rentrer chez eux, quoi. Ah, mais dis donc, c'est pas bon pour les affaires, ça, hein. Ah non, je fais avec, hein, mais regarde, tu vois, effectivement... C'est vide. Ouais. Mais... Et on y trouve où, les adeptes du rentring? Fatalement, c'est chez eux. Ou alors, en chemin, quand ils vont, chez eux, quoi. Bon, ben, j'ai plus qu'à me rentrer, moi, alors. Ouais. C'est un clip réalisé par une agence de pub qui s'appelle La Chose et qui a pressenti il y a quelques années le rentring. On est en plein dedans quand même. Le site spécialisé dans les technologies qui s'appelle Presse Citron, parce que nous consultons également la presse technologique pointue scientifique de niche. Alors, je vous explique le système de ce screening room. Via une box vendue $150, il y aura possibilité de regarder les films en streaming chez soi, une seule fois, streaming, dès la sortie, pour $50 par film. Alors, oui. Marie-Gilin, au secours ou pourquoi pas dans ces cas-là? Alors, ce que je comprends pas très bien, c'est que, une fois d'accord, mais s'ils peuvent filmer le film en direct, du coup. Alors, non, il y a un accord à ce moment-là. Le projet intéresse apparemment quelques ayants droit. D'après le magazine américain Variety, des studios comme Universal, Fox ou Sony étudient déjà les termes d'un arrangement. Donc, ce serait un film en excellente qualité. Oui, mais je veux dire, le piratage est possible. Si quelqu'un a une petite caméra chez lui, il peut filmer cette version. Alors, ça, c'est que les gardes-fous sont là. Moi, je trouve que c'est déjà en salle. J'ai pas un avis incroyable là-dessus, mais je trouve que déjà, je trouve ça bien que les gens voient les films. Après, c'est vrai que c'est triste. Moi, j'adore les salles de cinéma. Mais s'ils préfèrent le voir dans une autre condition, mais qu'ils le voient quand même, au fond... Est-ce qu'il n'y a pas déjà deux publics? Un public qui va au cinéma et un public qui regarde chez lui des films sur des écrans. Même les gens qui vont au cinéma vont quand même... Bon, il y a le noyau dur des gens qui rentrent toujours au cinéma, mais les gens vont quand même moins au cinéma, quand même, malgré tout. Oui, il y a déjà une baisse de fréquentation des salles. J'ai pas les chiffres. Ouais, moi non plus, mais... Mais donc, du moment que le film est vu, par exemple, le film qu'on pourra voir en salle le 23 mars, Mirage d'amour avec fanfare, du Bertoin, on pourra vous voir avec Jean-François Stévenin, ça se passe dans le désert d'Atacama. Dans les années 20, sous la dictature, il y a une histoire d'amour évidemment, mais aussi de résistance. Tout ça, c'est quand même tellement plus joli sur grand écran, j'imagine que ça, c'est vraiment le type de film. Est-ce qu'il y a des types de films qui sont plus peut-être à voir sur grand écran comme celui Mirage d'amour. Bien sûr, bah c'est sûr que Mirage d'amour, c'est filmé dans le désert d'Atacama, donc des paysages incroyables. Ça donne un souffle romanesque à l'histoire. Maintenant, le désert d'Atacama sur le home cinéma, ça va être un petit peu restreint. En fait. Ouais, ouais, tout dépend l'écran qu'on a chez soi. Ça ne vous scandalise pas, du moins, si ce système. Mais de toute façon, c'est difficile de se scandaliser puisqu'on sait que de toute façon, ça arrive. C'est terrible. C'est pareil pour la musique. Le monde de la musique est. Ils peuvent faire un concert derrière pour rentabiliser le fait qu'on ait téléchargé leur disque. La seule chose à laquelle je pense là, c'est que je pense qu'aujourd'hui, pour certains films, c'est déjà difficile de sortir en salle. Ouais. Il y a des films pour lesquels c'est plutôt peinard, tapis rouge, gros distributeurs, etc. Mais par exemple, dans notre cas, Mirage d'amour avec Fanfare, qui est un magnifique film, on a heureusement trouvé un super distributeur. Mais c'est difficile de sortir en salle. Donc au final, entre une sortie, genre la savonnette, on essaye de sortir. Alors qu'il y a des blockbusters et toutes sortes de films en concurrence, et finalement avoir peut-être une visibilité autre sur un support numérique. Pourquoi pas? Enfin, je suis ni pour ni très contre, j'en sais rien en fait. Non, mais si, vous avez mis un avis qui est tout à fait clair, Marie-Gilles. Ok, bien d'accord. Sûr. Ouais, si. Mélanie Bauer. Oui. Musique, alors, remusique, dis donc. Remusique, j'ai voulu faire comme André, hein, j'ai fait très long et très chiant. Ouh, il y a un petit bim. Merci pour saboter l'émission, il n'y a pas mieux. I'm Black and I'm Proud, c'est la suite de l'histoire d'André tout à l'heure, avec la polémique autour du biopic de Nina Simone et son actrice Zoé Saldana, jugée trop blanche pour le rôle. Il est important de comprendre bien le racisme américain. C'est un racisme très différent du nôtre. Il ne s'agit pas de vivre ensemble, il s'agit d'exister ensemble, de ne pas se marcher sur les pieds. Sans parler des violences policières et autres injustices, aujourd'hui l'Amérique noire doit se battre contre un nouveau fléau, c'est la gentrification. Dans les grandes villes, les Noirs sont évacués doucement de leur quartier, leur culture afro-américaine peu à peu disparaît dans le grand melting pot blanc américain. Quand je parle de leur culture, je parle de gastronomie, je parle de musique, je parle de mode, je parle de cinéma. La mixité, c'est la mort pour une culture noire qui s'est imposée au forceps, on le disait tout à l'heure avec André, ces 100 dernières années, 200 dernières années aux États-Unis. C'est pour ça que le message des artistes noirs se doit d'être fort, à la fois social, culturel, idéologique, mais aussi économique. Être riche, par exemple, pour un musicien noir, ce n'est pas qu'une revanche, un conte de fées, c'est surtout détenir le pouvoir de défendre sa culture. Et ça, c'est important pour comprendre ce qui se passe là-bas, notamment en musique. Nina Simone, elle doit être noire. Si on prend Kanye West, le plus grand mégalo de l'histoire de la musique, il sort son disque uniquement sur la plateforme de streaming payant du rappeur noir Jay-Z. Tidal, un choix que les médias blancs qualifient d'autocensure, de manipulation pour faire fonctionner une start-up qui ne décolle pas. Quant aux artistes blacks, ils parlent tout simplement d'un complot blanc pour empêcher l'émergence d'un mouvement culturel et économique noir. Chacun défend son bout de gras, mais en réalité, avec ce coup médiatique, Kanye West, il nous rappelle une nécessité, celle de pouvoir compter avec un diffuseur de culture black, comme dans les années 70 avec la Stax et la Motown. Je vous ai perdu ? Non, la Stax. L'Amérique a besoin de ces espaces de création noire. D'ailleurs, sur Tidal, Kanye West fait un truc révolutionnaire. Il ne fait pas que poster son disque, The Life of Pablo. Non, il continue de le travailler en ligne, de le modifier. Il est connecté à ses fans. Et ça, c'est très nouveau. Alors, on aime ou on n'aime pas, hein. Moi j'aime pas Kanye West, mais ça représente un élan vivifiant de la création afro-américaine, tout comme le jazz rap, un rap qui plante de nouveau ses racines afro dans le jazz, se démarque du jazz des blancs, ça donne les Last Poets ou Jill Scott Heron dans les années 70, puis 20 ans plus tard, Guru et son jazz mataz. Ce grand mélange jazz, soul, hip-hop sauve en ce moment aussi le rap de ses démons, des clichés créés par le marketing, la vulgarité des supermarchés, des émissions de télé-réalité. Il lui redonne son sens, sa conscience black, par exemple, fermez la bouche Charline, par exemple, prenons Kendrick Lamar qui vient du gangsta rap West Coast avec son disque To Pimp a Butterfly, il enflamme littéralement les Grammy Awards américains. Tu veux dire quoi, To Pimp a Butterfly? Sucer un papillon. C'est bien sûr. Non, mais vraiment. Customiser un papillon. Oui. Il remet donc la virtuosité dans le hip-hop. Sa musique est savante, sa maîtrise du business Madness l'est tout autant. Il sort en ce moment de nulle part, du jour au lendemain, un nouveau disque Untitled Unmastered, traduisé, pas de masterisé, pas de titre. Oui. De petits bouts de bande, de morceaux lancés sans promo sur des plateformes payantes. Un joli coup qui démontre, en plus de ses, de ses talents de businessman, la complexité et la finesse de sa démarche artistique. Sing black, turn and burgundy, on a double mind, know I'm greedy, stuck inside the belly of the beast, can't you please pray for me, get God on the phone. C'est beau. Mais ça, c'est beau. Ça, oui, ça, c'est beau. Ça me plaît. Mais il n'y a pas que le rap dans le jazz, il y a aussi le jazz dans le rap. En fait, je vous taquine, c'est pareil. Ah, ce sont deux musiques qui se nourrissent. Elle nous prend pour des cons. Plus. Les amateurs connaissent sûrement le célèbre disque posthume de Miles Davis de Doo Bop de 1992. C'est une référence de ce mariage. Ce classique inspire une nouvelle génération black, fière et consciente. Un disque important, pilier de la culture noire américaine, auquel rend hommage Robert Glasper, pianiste américain, qui sort le jour de la naissance de Miles, qui aurait fêté son 90e anniversaire. Mais oui, des réinterprétations, donc, avec ce disque Everything's Beautiful et des stars, Erykah Badu, Stevie Wonder ou encore Bilal, ici. Vous sentez la référence ? Oh, c'est chaud ça, hein, Charline, ça c'est chaud. C'est très mal. C'est Mélanie qui fait la chronique. Oui, non, mais je vous regarde. C'est très mal. Robert Glasper qu'on verra le 3 avril sur scène au festival Chorus des Hauts-de-Seine. On est black et on est proud. Yes. Merci Mélanie Bauer qui répondra à la chronique d'André Manoukian tout à l'heure. Vous pouvez réécouter sur franceinter.fr. Merci Mélanie. Allez, dernier sujet, c'est la semaine de la langue française. Cette fucking semaine de la langue française où il faut bouter hors de la langue tous ces fucking anglicismes. Et pour employer un mot, j'ose à peine le dire, mais je ne sais pas comment on le dit en français, mais Jacques Toubon me corrigera. Je vais profiter du fait qu'il n'écoute pas. C'est le marketing. Non, j'ai rien dit, là. On peut penser que sur un simple fait, le design qui... Oh, ici, c'est officiel, c'est admis. Ah bon oui. Enfin, ça, on peut dire... Allez-y. On peut dire quoi ? Non, la stylique. La stylique. Allez. Bon. Allez-y. Mais de toute façon, le design, ça existe. Bon, alors la stylique. Quand vous pensez qu'il y a dans la seule entreprise Sony, japonaise, autant de, comment dit-on, stylikmen, oh non, pardon, de styliciens. Ah, les deux Jacques, le grand, le petit, Chirac, tout bon. Alors, c'est la semaine de la langue française, le français est planétaire, mais le français parlé à Paris s'impose de toute sa norme sur la planète, même si c'est un peu moins le cas maintenant, mais on sent toujours ce poids. Hein. C'est pas le cas de l'anglais de Londres, qui n'est pas forcément imposé en Inde ou en Australie. Vous, Marie Gillin, est-ce que ça vous agace un petit peu cette norme, où vous avez justement une petite poussée par fois de belgicisme que vous avez envie d'imposer? Oui, moi j'adore dire passe-moi un peu la lavette qu'on essuie le suc impalpable, par exemple. Et qu'on peut traduire comme... Oui. Eh bien, passe-moi donc la serpillière pour essuyer le sucre glace. Voilà. Le sucre impalpable. Donc, moi, j'adore dans le belgicisme. Il y a plein d'envolées lyriques comme ça. Voilà. Et le particularisme est considéré comme très familier, mais c'est tellement joli. Hein, pourquoi ne pas l'affirmer à partir... Si vous jouiez votre place constellation avec plein de belgicisme. J'ai déjà essayé de la jouer en français. bon, ben voilà, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Là, on a été complet. Là, on a été totalement complet. Vous en avez une petite dernière, non? Sur la langue française? Moi, je sais pas. De liégisme, non? Passez la parole à moi, parce que le sketch, il y a du liégisme, évidemment. En fin d'émission, oui, Marie Gillin, on fait un sketch avec l'invité s'il accepte. Et vous ne pouvez pas refuser, évidemment, d'être la chef de la police de Liège. Car... Avec l'accent, alors? Ah bah, c'est comme vous voulez, mais on attend beaucoup de vous. Bernard Cazeneuve, qui bosse beaucoup avec les polices belges en ce moment, le ministre Guillaume Meurice, va gérer le problème et vient nous en parler. En avant, moi aussi je suis flic liégeois, mais c'est vous la chef. Amis liégeois, l'heure est grave et la République française compte sur votre acuité et votre intelligence. Oufti, il cause bien le français. Moi, j'ai rien compris, patron. Ben, l'acuité, c'est d'être quelqu'un qui a beaucoup bu. Ouais, mais il vous connaissait pas avant, pourtant. Et dans le cadre de notre enquête binationale... Binationale, c'est qu'à deux nationalités, patron. Oui, je suis liégeoise, hein, mais quand même. Je voudrais que vous soyez vigilant et que vous vérifiez tous les casiers. Ça, on fait depuis longtemps, monsieur le ministre. C'est très bien. On vérifie les casiers de Jupiler, les casiers de Duverne. Et je ne veux pas que se reproduisent les événements de Bruxelles. Alors, ça risque pas, ça. Ah non, les Bruxellaires, ils sont biaises. Ils sont beaucoup plus biaise que les Parisiens. Pardon ? Non, continuez. Bon, sachez qu'en France, on aura envoyé tout le GIGN et pas 6 policiers avec des pistolets à eau. Moi, j'aime bien les pistolets à eau. C'est très pratique hein, contre les voyous quand ils ouvrent le feu. Écoutez, l'heure n'est pas à la plaisanterie, s'il vous plaît. À Liège, on ne plaisante pas. C'est la ville des frères d'Ardennes. Oui. Et vous conseillez quoi, monsieur le ministre ? Des barrages filtrants, un état d'urgence et BFM TV à tous les coins de rue. C'est quoi ça, BFM TV ? C'est mieux que la police. Ils savent tout et quand ils savent pas, ils inventent. Oufti, on n'a pas ça en Belgique. Une civilisation évoluée est une civilisation qui a BFM TV. Quel beau slogan! Bon, écoutez, je crois que c'est la fin de ce sketch. Ah non, monsieur le ministre, il faut une chute. Je vous rappelle qu'à Bruxelles, les gars se sont enfouis par les toits. Et alors? Ah, c'est moi. Ben oui, ils sont pas tombés. Mais alors? Ben donc, il n'y a pas de chute. Bravo, Marie-Gilles. Il n'y avait pas de fluo à la fin, j'étais plus. Oh, on peut vous dire, c'était vraiment bien, merci. Marie-Gilles. Oh là là, cette... Mais il faut faire une comédie. J'aimerais que vous n'écririez pas une comédie pour Marie-Gilles. Bienvenue chez les Liégeois. Mais oui, ce serait formidable. Merci Marie d'avoir passé ce moment avec nous. Je me suis bien amusée. Mais nous aussi, c'était vraiment bien. Marie-Gilles, je rappelle qu'on peut vous voir dès demain. C'est à partir de demain au théâtre du Petit Saint-Martin dans Constellation, une pièce de Nick Payne avec Christophe Paou, une mise en scène de Marc Paquien. Et puis on pourra vous voir aussi dans Mirage d'amour avec Fanfare, du Bertoin, avec Jean-François Stévenin. Ce sera en salle le 23 mars. Écrit par Bernard Giraudot. Exactement, tout à fait. Et vous, de toute façon, vous allez venir nous en parler sur cette même antenne chez Nagui dès la semaine prochaine. Je pense que c'est lundi, si je ne me trompe. Comme ça, vous êtes au courant de votre agenda, Marie. Merci. Merci. Allez, voici le mot de la fin. À la jeunesse contestataire, de plus en plus jeune et de plus en plus contestataire. Vive l'Algérie française ! Vive le maréchal !